Those satanic mills, corporate shills, footing the bills, non-believers, deceivers, overachievers, golden retrievers. Black magic witches taking us for bitches. We all know that the judgment will come. Love is the answer. Love is the flower. Love is the fountain of all true power. They're just a gaslighting. They're just a gaslighting. Oh yeah. They're just a gaslighting. La semaine passée, c'était The Umbrellas qui portait avec leur nouvel album les couleurs de la Britpop. Ce soir, place à Kool-Aid Shaker, je sais pas si on dit Kool-Aid. Enfin bon, les Kool-Aid Shaker qui depuis 1995 secouent l'underground grand boton. Ils reviennent en janvier 2024 avec le brillant Natural Magic, dont on vient d'écouter la piste 1, Gas Lightning, et que l'on enchaîne tout de suite avec le psychédélique Waves. On écoute Kool-Aid Shaker. Entre 17 et 18h, vous écoutez Pop & Rock sur RVR au 104.6. I'm just a crosshair. I'm just a shot. rien de mieux qu'un vieux Franz Ferdinand pour réveiller vos cervelles atrophiées, laissant plus réfléchir vos pouces et vos yeux que votre matière grise. Dommage si vous dormez encore, car voici votre dose hebdomadaire de Clinique Rodéo. Il y a maintenant de longs mois, Pop and Rock découvrait le dénommé Declan McKenna et à l'époque nous avions écouté Rapture. Rappelez-vous. Yeah. stature. Your cruel heart navigates the world we live in with its anger. Joyeux du Declan McKinney revient en janvier 2024 dans What Happened to the Beach, dans lequel, contrairement à mai 68, le Declan cherche de l'or sous le sable. Écoutez et n'hésitez pas à commenter sur la page Facebook de Pop and Rock sur RVR pour nous dire si vous avez aimé ou pas le nouvel opus de Declan McKinney. All my night, now I'm out in the sunshine. Trouble, c'était la piste 1 du nouvel album de Declan McKinney, dans lequel on trouve profusion de titres, 12 en tout, qui nous promènent dans les rêves du Declan McKinney, avec qui nous restons pour un second titre tiré de son nouvel album. On écoute Sympathy. Comme pour chaque artiste que nous programmons, vous avez aimé, foncez donc chez votre disquaire préféré. Ouais, je sais, j'aime bien dire cette phrase, mais de disquaire, il n'est plus. Allez, la fin de notre pop and rock sera moins faite de nouveautés. Je vous propose une plongée dans les titres qui nous ont fait vibrer ces dernières années, à commencer par le sublime I Don't Belong des Irlandais de Fontaines D.C. Lundi entre 17h et 18h, vous écoutez Pop & Rock. Et si vous aimez les artistes que nous programmons, rendez-vous sur la page Facebook de Pop & Rock sur RVR. Vous y retrouverez toutes nos playlists. When I walk through your door and you're not here. starts anew. Slipping my beating on the moon. The silent time consumed, and now it never starts alone. Fontaine DC, Gloria, groupe français, Good Girl qu'on a loupé au Sonic il y a quelques années, j'aimerais vous dire que c'est ça le goût de pop and rock sur la trail locale RVR. Ouais, mais il y a aussi ça. Yeah.

Dans l'ordre, on vient de se faire Group Love et Unlikely Candidate et à l'instant Manchester Orchestra qui composait notre seconde et dernière triplette du soir. Mais là, il est temps de se dire au revoir. On va le faire avec des groupes du 20e siècle, à commencer par The Verve, et on aura peut-être le temps d'un petit U2. Sur ce, rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, et comme toujours, bon vent à tous. It's a bittersweet.